Gestes sacrés. Moi, je suis d'un pays qui n'a pas de couleur, et les hommes vivent ici en ignorant la peur. C'est en toute liberté qu'on y parle d'idées, sans avoir à montrer ses papiers. Le cœur abrogera la loi.